Et si pour une fois sur Podcast Science, on parlait politique ? Bien sûr, on ne va pas discuter d'idéologie, mais parler de science politique, de sociologie politique. Aujourd'hui, nous recevons Anaïs Carestier, plus connue sous le pseudo Maudie sur Internet. Jeune chercheuse diplômée en sciences politiques qui est à la fois chargée d'enseignement universitaire et streameuse. Un pied donc dans le monde réel et universitaire, et un autre dans le monde virtuel d'Internet. Elle partage et enseigne sa passion pour les sciences sociales. Sociologie, politique et Internet sont les thèmes de ce soir. Nous sommes le 27 janvier 2021. Bienvenue dans l'épisode 435 de Podcast Science. Et ce soir, nous avons Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Alexa du côté de Los Angeles. Salut tout le monde. Joanne depuis Paris. Salut. Et notre invité Maudie du côté de Lyon. Salut. Et moi-même, Cléora, lui donnant la parole sous la forme d'une sorte d'une mini-interview. Alors Maudie, tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir parler un peu de toi et de science sur Podcast Science. Juste pour l'anecdote, j'ai récemment vu sur Twitter que tu étais passé malgré toi à la télé sur les sujets de tuto cuisine sur Internet. Mais on est d'accord que c'est loin d'être ton thème de prédilection, n'est-ce pas ? Donc en intro, je t'ai très très succinctement présenté avec des grands mots, mais comment toi tu te présenterais ? C'est un peu compliqué parce que j'ai un peu un double parcours entre Internet et ce que je fais à l'université. Mais du coup, en général, je dis que je suis chargée de TD en sciences politiques. Donc, je donne des cours à la fac aux groupes étudiants où ils sont en général une trentaine. Et en même temps, de quel côté de Lyon ? Les commentaires tout de suite. Mais du coup, sinon, je suis streameuse. Voilà. Donc, je fais des lives en ligne sur Twitch presque tous les jours. Voilà. Donc, ça, c'était tes deux activités. Mais du côté de ton parcours, en fait, comment t'en es arrivé à t'intéresser aux sciences sociales et arriver dans cette voie scientifique ? En fait, c'est assez long, c'est-à-dire que je me suis toujours intéressée déjà à la politique partisane, les élections, etc., depuis le collège. Enfin, j'ai toujours suivi, en fait, quand il y a des élections présidentielles, c'est vrai qu'on avait tendance à beaucoup en parler autour de moi, même si on était ados, pour le coup. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai pris les cours en option du coup de SES en seconde, sans vraiment savoir où je mettais les pieds. Et pendant les cours de sciences économiques et sociales, je me suis rendu compte que y avait une matière qui, en tout cas, bon, c'est une matière au lycée, donc ça approfondit pas vraiment, mais en tout cas, il y avait cette matière-là qui me permettait de répondre à des questions que je me posais moi individuellement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai mis le pied dans les SES et du coup, j'ai fait un bac ES forcément. Et j'étais toujours un petit peu frustrée de voir le côté économique, même si j'aime beaucoup l'économie, prendre le pas sur le côté social. Et donc, voilà, naturellement, un petit peu comme ça, je me suis tournée vers les sciences sociales en prenant du coup une option sciences politiques pour la terminale. Et je me suis inscrite à la fac en sciences politiques ensuite, sans vraiment trop savoir dans quoi je mettais les pieds, mais en sachant que je suivais beaucoup l'actualité politique, la philosophie politique, etc. Donc en fait, tu savais pas comment t'arriver par la science en fait. Au début, c'est vraiment la politique qui t'intéressait. Ouais, non, c'était pas du tout. Enfin, moi, j'étais pas du tout dans le côté scientifique, même si j'avoue que j'ai hésité avec un bac S à un moment pour la démarche scientifique et voilà, ça faisait partie de mes questionnements. Mais en fait, je pensais pas du tout que la science politique c'était une science malgré le fait qu'il y ait science devant. Enfin, c'était pas du tout dans mes objectifs ou quoi. C'était vraiment plus des questionnements individuels sur le fonctionnement de notre société, sur notre rapport à la politique, etc. qui m'ont intéressé. Plus sur l'actualité, voilà. Etc. quoi. Ouais, c'est ça. Donc au sein des sciences humaines et sociales, donc toi, ton dada, ton domaine, c'est plus précisément la science politique. Mais du coup, question bête de celui qui n'y connaît rien. Niveau cursus et diplôme, c'est la même chose quand on dit que tel ou tel politicien fait Sciences Po, par exemple ? Ouais, non, c'est pas du tout pareil. En fait, Sciences Po, on fait référence à la grande école, du coup, qui est située à Paris. Après, vous avez des IEP, donc des instituts en province. Du coup, je ne sors pas du tout d'un cursus dans une grande école. Je n'ai pas passé de concours ou quoi. C'est un concours qui est lié avec les facultés de sciences sociales ou les facultés de droit. Ça dépend, en fait, en fonction de l'endroit où vous êtes situé, de la localisation. Mais du coup, c'est vraiment à la fac publique et un cursus classique, quoi, licence, master. Et donc voilà, c'est pas du tout la même formation en sciences politiques, on n'apprend pas la même chose, enfin, que ce qu'on apprend à Sciences Po. Mais bon, je ne vous parlerai pas de Sciences Po parce que je n'ai pas forcément mis les pieds, même si j'ai travaillé avec des gens qui y sont. Mais voilà, ce n'est pas les mêmes, les mêmes parcours. Ok, mais d'accord. Du coup, en sciences, comment on... En sciences politiques, comment on doit comprendre du coup le terme politique ? Ça, c'est les premiers cours quand on arrive en licence en général. On essaye d'essayer de définir pour les L1 qu'est-ce que c'est que la politique, la différence entre la politique et le politique. Et en fait, pour simplifier, l'idée, c'est que la politique, c'est la politique partisane, politicienne, qu'on entend justement quand on allume notre télé, qu'on voit les mouvances de partis, etc. Donc la politique, c'est l'exercice de la politique. Et le politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Alors après, bon, il y a des enjeux de définition, il y a évidemment des courants en sciences politiques, donc des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec des termes plus élargis. Mais si vous voulez, l'idée de le politique, c'est d'élargir la notion de politique aux organisations humaines, en fait. À partir du moment où il y a des humains qui fonctionnent ensemble, il y a du politique. Donc c'est une définition qui est beaucoup plus élargie. Et si je devais résumer comme ça, la science politique, c'est vraiment la science du pouvoir. C'est l'étude du pouvoir, des rapports de domination entre les groupes ou entre les individus. Et donc voilà. La politique, en gros, enfin le politique, c'est partout où il y a de l'humain. Et donc ça va beaucoup plus loin que la politique partisane, les élections, etc. Donc en gros, on peut dire que Sciences Po, dit politicien, c'est la politique. Ouais. Et la science politique, c'est le politique, du coup. C'est ça. Okay. Après, il faut savoir qu'en sciences politiques, on étudie parfois des objets qui sont vraiment la politique traditionnelle, quoi. Donc, en sciences politiques, souvent, on peut prendre comme objet d'étude les élections, les partis politiques. Enfin, ça, traditionnellement, c'est étudié par la science politique. C'est juste qu'on étudie plus large que ça. Par exemple, genre, devant une salle de classe, quand on a un professeur qui, lui, est debout et va donner son cours, et des élèves qui sont assis dans un certain cadre, qui vont lever la main pour parler, qui vont être plus passifs, prendre la parole dans un cadre qui est mesuré, etc. Ça, c'est du politique, en fait. C'est régi par des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et donc, du coup, il y a une autorité tacite du prof qui va faire qu'il y a une relation de pouvoir et qu'on va accepter, on va se conditionner, on va se comporter de telle ou telle manière. Voilà. Donc, du coup, ça permet de voir que c'est beaucoup plus large. Donc, en sciences politiques, on peut partir de... étudier l'histoire des partis, étudier l'histoire du Parti Socialiste, par exemple, qui est quelque chose qui est beaucoup fait. Et ensuite, dans d'autres chercheurs, eux, vont complètement étudier les milieux associatifs, comment est-ce que les gens s'organisent dans le milieu associatif. Donc, c'est vraiment très, très large. Ouais, donc, en fait, il y a une partie plus descriptive, on peut dire ça, donc qu'est-ce qu'un parti, etc., et une partie plus sociologique, finalement. Bah, en fait, y a plusieurs courants en sciences politiques. Bon, là, après, je parle de ce que j'ai vécu aussi, parce que ma licence, je l'ai faite à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et j'avais un cursus très théorique en philosophie politique, en fait. Et qui était. Dedans aussi. Okay. Ouais, voilà, avec de la philosophie politique, on appelle ça souvent l'histoire des idées. L'histoire des idées, c'est essayer de repartir de la base. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Donc, du coup, forcément, on part d'Athènes, de toutes ces questions-là. Pour essayer de tirer le fil jusqu'à la société qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qui serait souhaitable comme type d'organisation, etc. Donc, en sciences politiques, il y a aussi ça. Il y a l'histoire des idées, l'histoire des concepts. Qu'est-ce que c'est que l'État ? Qu'est-ce que c'est que la nation ? Toutes ces choses-là. Et il y a quelque chose qui est aussi beaucoup plus... qui est moins théorique, même si les deux fonctionnent ensemble, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins théorique et qui est là beaucoup plus proche de la sociologie. Donc moi, c'est pour ça qu'en général, je dis que je fais de la sociologie politique. C'est l'idée d'aller sur le terrain et du coup de mener des enquêtes et de construire des données. Donc du coup, là, on est sur quelque chose qui s'appuie sur des concepts théoriques. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, la socialisation, mais qui va le prouver de manière empirique en allant sur le terrain. Mais donc, du coup, il y a vraiment tout un panel de choses. Et en fait, la science politique, historiquement, c'est déjà assez récent. C'est quelque chose qui est né au XXe siècle. Donc, c'est vraiment très, très récent comme discipline indépendante. Ouais. Et ça naît du droit aussi. Donc, du coup, on est sur des cursus qui peuvent être parfois très, très proches. Et souvent, les facultés de sciences politiques sont liées aux facultés de droit. Et donc, ça part de tout le côté juriste, de l'État, la Constitution, pour l'étudier et ensuite voir son impact concret sur les organisations, les comportements humains, etc. Moi, j'ai une question, du coup, parce que tu dis que, du coup, tu as fait la première partie de tes études au Canada, mais je connais pas du tout le système canadien, mais pour voir, par exemple, là, en ce moment, on parle beaucoup du système politique américain, c'est extrêmement différent du système politique français dans beaucoup de choses. Et du coup, est-ce que tu sens que toi, qu'il y a une différence sur est-ce qu'on enseigne pas tout simplement les mêmes sciences politiques au Canada et en France ? Il n'y a pas les mêmes traditions. Même d'un point de vue théorique, en fait, qui sont conservés. Tout simplement parce qu'on est sur le continent... moi, j'étais au Québec, donc j'étais vraiment à Montréal, donc c'est assez spécifique. Il y a à la fois une tradition qui est proche des États-Unis, vu qu'on est en Amérique du Nord, et qui est très proche de la France aussi. C'est-à-dire qu'en gros, les Québécois vont lire les travaux qui sont faits en France, tout comme les travaux qui sont faits aux États-Unis. Donc du coup, nous, par exemple, en France... Enfin, moi, j'ai jamais rencontré de chercheurs qui lisent ce qui est fait au Québec, en fait. Il y a vraiment... un filtre complet. Les États-Unis, on est aussi quand même assez opaque, ça arrive très très tard. Il y a des textes majeurs qui ont été lus par des Québécois et Québécoises, comme les textes de Judith Butler qui ont été lus en France des décennies après, qui ont été traduits des décennies après. Donc on a vraiment une espèce de bulle, en fait, sur laquelle la France est refermée, parce que traditionnellement, historiquement, elle a quand même une force intellectuelle et tout ça. Donc du coup, elle peut se subvenir à ses propres besoins juste avec les travaux qui sont produits en France, sans forcément regarder ce qui se fait à l'extérieur. Après, ça dépend évidemment des sujets, mais en tout cas, on s'appuie en tout cas sur ça. Et ça peut poser des problèmes, du coup, dans l'enseignement qui est fait de la science politique et de la sociologie, ou enfin des sciences sociales en général, parce qu'il y a du retard parfois, ou en tout cas des choses qui sont traitées de manière différente. Mais du coup, non, il n'y a pas le même héritage théorique. Moi, par exemple, je n'ai pas entendu parler de Pierre Bourdieu pendant l'entièreté de ma licence. Voilà. Enfin, après, j'ai pris des cours en sociologie, en cours optionnel. Mais du coup, on a parlé de Durkheim, mais moi, je n'avais pas du tout Bourdieu, c'était complètement absent. Et voilà, il y a des auteurs qui ont été très présents pour moi quand j'étais au Canada, qui ont été absents ensuite quand j'étais en France, parce que j'ai fait mon master, du coup, à Lyon 2, qui est l'université dans laquelle j'enseigne aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est vraiment... On voit les ancrages théoriques qui sont très différents et les manières de faire qui sont très différentes aussi. Donc ouais, ça change complètement. Après, d'un point de vue politique et système politique, bah moi, quand je suis arrivée, j'étais en L1. Donc du coup, en licence, qu'importe d'où tu viens, on part vraiment de la base pour essayer de comprendre le fonctionnement institutionnel. Bon, là-bas, ils élisent pas un président, c'est le Premier ministre. Donc du coup, en fait, on apprend tous ces rouages-là. J'ai fait des cours de droit aussi, donc du coup, je vois un peu comment ça fonctionne. Ce qui est forcément un peu difficile, puisqu'on apprend le fonctionnement d'un pays dans lequel on n'a pas grandi, mais qui en même temps apporte beaucoup, parce qu'on est quand même sur une forme de démocratie représentative. On a l'impression que c'est très éloigné de la France, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, parce que... Le principe reste en général en Occident de on élit des représentants qui vont ensuite prendre des décisions pour nous. Donc du coup, notre pouvoir réside dans le fait que on a un bulletin de vote et donc du coup, on va prendre ces décisions à ce moment-là. Mais ensuite, le pouvoir va être dans les mains des personnes qui sont élues et qui vont nous gouverner. Ça, c'est qu'importe le pays dans lequel on est, en Europe ou en Amérique du Nord, ça fonctionne comme ça. Donc du coup, il y a aussi... tous ces cours d'histoire de qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative, etc., qui ont pu m'être utiles, en fait, quand je suis rentrée en France. C'est pas des choses qui sont... c'est des choses dans lesquelles il y a une porosité, en fait, des frontières. Ouais, la démocratie athénienne, c'est la même au Québec et en France, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Mais vous étudiez pas forcément les mêmes auteurs qui en parlent, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, donc là, on parlait plus sur une description de comment fonctionne le système politique, quoi, en gros. Ouais, c'est des choses qu'on apprend... forcément, en fait, quand on rentre en sciences politiques, ouais. Le fonctionnement des institutions, ça fait partie des choses qu'on voit. Donc c'est plus de la description, et toi, c'est plus de la sociologie, donc sociologue politique. Et qu'est-ce qu'elle rajoute, justement, le point de vue sociologique dessus ? Le point de vue sociologique, c'est juste pas du tout la même... on part pas de la même chose pour traiter des objets, en fait. Enfin, en gros, pour moi, ce que je prends vraiment à la sociologie, c'est la méthode. Bon, après, ça, évidemment, on n'a pas tout le temps les mêmes courants, donc... on fonctionne pas forcément tous et toutes de la même manière en fonction de là où on a appris, en fait, le pied dans lequel par lequel on est rentré dans la science politique. Mais personnellement, c'est surtout la méthode qui est du coup la méthode ethnographique, avec l'idée d'essayer d'intégrer l'observation des comportements directement, c'est-à-dire qu'en gros, il y a cette idée de... Bon, les gens qui font de la science politique, on appelle ça les politistes. Donc, du coup, les politistes vont aller sur le terrain, donc par exemple sur le rapport au vote. Si on a envie d'étudier le rapport au vote et de comprendre pourquoi les gens votent pour telle personne, pour tel parti, etc. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller essayer de créer des statistiques, faire passer des questionnaires. Donc du coup, ce qui peut être fait, c'est notamment à la sortie des bureaux de vote, on va... prendre les gens qui sont là et donc du coup leur faire passer des questionnaires. Et ça peut être aussi de suivre directement les gens dans leur quotidien. Donc vous avez des sociologues qui restent dans des villages à s'intégrer et à voir, à observer comment fonctionnent les gens. Et ça, vous pouvez faire ça avec plein de terrains différents. Mais l'idée, en fait, moi, ce que je prends, c'est vraiment cette méthode qui est de faire de l'observation participante, donc de s'inclure dans l'objet de recherche avec les problèmes et les biais que ça pose, et donc du coup le recul qui est nécessaire, on appelle ça la réflexivité, et du coup il y a des outils qui sont utilisés par la science politique, la sociologie, les sciences sociales en général, l'anthropologie aussi, etc., pour étudier un objet. Et du coup, l'observation, ce que ça permet, c'est d'avoir accès à des choses qui ne seront jamais dites à l'oral, en fait. Parce que il y a une des méthodes qui est utilisée par la sociologie et la science politique, c'est celle des entretiens. Donc du coup, on passe du temps avec les gens à discuter avec eux, essayer de comprendre justement leur rapport au vote, etc. Ça peut être leur rapport au vote, mais ça peut être complètement autre chose. Mais en tout cas, vous savez guider. Mais du coup, les gens en entretien ne te disent pas nécessairement... il y a forcément une reconstruction aussi de ce qu'ils ont vécu. Donc quand tu es en train de raconter à quelqu'un quelque chose que tu as vécu, tu le mets aussi en récit. Et du coup, il y a une mise en récit lors des entretiens qui est très intéressante parce qu'au final, comment se souviennent les gens des faits et qu'est-ce qu'ils en créent comme mise en récit en dit presque autant que ce qu'ils ont vécu réellement. Ouais. Mais du coup, la combinaison de cette mise en récit dans l'entretien faite avec une observation, donc le sociologue était là par exemple au moment des faits et a pu l'observer, bah, cette combinaison des deux permet de créer des données qui sont pour moi extrêmement intéressantes et pertinentes, beaucoup plus que si on reste très éloigné du sujet et qu'on fait juste passer des questionnaires, parce qu'en fait le problème des questionnaires qui sont complémentaires, en tout cas les statistiques sont vraiment complémentaires de l'ethnographie, mais le problème si on reste que sur des statistiques, c'est qu'il y a plein de gens qui s'auto-excluent de l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas remplir les questionnaires. Bah, par exemple, si on prend l'exemple du bureau de vote, je passe des questionnaires aux gens qui sortent des bureaux de vote, vous n'allez pas avoir accès à celles et ceux qui ne se déplacent pas dans les bureaux de vote. Et du coup, il y a toujours comme ça une auto-exclusion d'une certaine partie de la population qui refuse les enquêtes. Et l'observation, pour moi, par exemple, si on va dans un club de foot et qu'on regarde le fonctionnement du club de foot, qu'on est là sur le banc pendant des mois à suivre les gens, etc., bah, on a accès à d'autres choses. Et du coup, on voit des gens qui, eux, refuseraient l'enquête de manière frontale, mais qui du coup, quand tu fais partie du décor, acceptent l'enquête, et c'est souvent les populations qui sont les plus précaires en fait, et les plus fragilisées qui refusent les enquêtes, et du coup on a accès comme ça à leur manière de vivre, leur manière d'être, leurs interactions avec les autres, etc. Ah, donc là, ce que tu viens de décrire, en fait, c'est deux méthodes, deux démarches. Donc une qui est plus d'observation, où tu rentres vraiment dans le milieu, quoi, sur le terrain, comme tu dis, et une plus un entretien qui est presque dirigé. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que des fois on a des questions type qu'on défile, ou alors c'est un entretien plus ouvert? Il y a plusieurs manières de faire. Donc ça dépend vraiment. En fait, la démarche, on va dire la démarche d'enquête va dépendre des besoins en fait de l'enquête. C'est-à-dire ça dépend comment est-ce que tu as construit ton hypothèse et qu'est-ce que tu recherches. Et donc du coup, quand on fait de l'observation participante, et donc du coup qu'on s'insère comme ça et qu'on regarde ce que les gens font, les gens en général savent qu'on est chercheur et chercheuse, hein, c'est explicite pour des questions de déontologie. Mais donc du coup, ils le savent. Mais on va avoir des discussions avec eux qui sont pas vraiment de l'ordre de l'entretien comme on s'attend, mais du coup dans cette discussion on a des données qui sont de l'ordre de l'informel et qui vont être utilisables. L'entretien, c'est vraiment le moment où après avoir observé les gens par exemple pendant quelques mois, on va leur proposer d'aller à leur domicile et de leur poser des questions en fait sur un sujet précis, etc. Donc parfois par exemple si c'est sur les mobilisations sociales, on peut même amener des photos de manifs pour que ça soit un support sur lequel ils vont s'appuyer pour répondre. Et donc là, les entretiens, ils sont, y a une grille en fait. Il y a une grille d'entretien qui est prévue à l'avance et qui va être appliquée à chacun et chacune des enquêtés. Justement pour essayer de créer une base comme ça et de voir comment les gens vont répondre et se différencier des questions. Après, souvent, on peut s'en éloigner parce que évidemment, dans la conversation, on va pouvoir rebondir sur certaines choses. Donc, on n'est pas sur de l'interview journalistique où il y a les questions qui sont là et paf, ça reste, on appelle ça des entretiens semi-directifs. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice, il y a une grille, mais on laisse quand même les gens répondre comme ils le souhaitent et on les ramène pas vers la grille si jamais ils s'en éloignent en fait. On essaye de rebondir sur ce qu'ils disent aussi. Ouais, il y a plusieurs types d'entretiens, et des entretiens donc très ouverts où qu'on y va en fonction de la personne, comment elle réagit, comment elle parle, quoi. Un entretien très directif où tout est codé en fait, toutes les questions sont écrites. Et ce que tu dis, semi-directif, c'est un peu entre les deux, quoi, ça. C'est ça, et l'idée c'est de laisser les gens aussi rebondir de leur manière et voir comment est-ce que des fois ils évitent certains sujets. Par exemple, si on pose la question du vote et que c'est au milieu de plein d'autres questions et qu'on voit que les gens ne répondent pas, par exemple, pour nous dire pour qui est-ce qu'ils votent. Mais en fait, ça nous en dit tout autant sur leur rapport à l'élection. Alors après, on creuse, évidemment, c'est pas, on voit juste les gens une fois, et puis du coup, bon, ils nous ont pas répondu à la question, donc on n'en sait pas plus. En général, on les voit de manière répétée. Et donc du coup, on se rend compte que quand les gens ne disent rien sur certains sujets, bah en fait, c'est soit qu'ils maîtrisent pas le sujet politique, donc du coup, ils sont pas à l'aise avec la politique, donc ils se sentent pas de se positionner, ou alors parfois, il y a des positions honteuses, c'est-à-dire une honte de dire devant le sociologue, je vote à l'extrême droite, par exemple, qui font qu'il y a certains résultats qu'on n'aura pas dans l'enquête si on y va frontalement et juste par questionnaire, en fait. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps aussi de revoir les gens et de laisser ouvert, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, ouais. Avec l'entretien semi-directif, laisser ouvert pour qu'ils puissent rebondir à leur manière, et on en apprend énormément sur leur, avec leur comportement d'évitement, en fait. Donc là, on est rentré direct dans la démarche scientifique directe. Ouais. Mais déjà, pour en créer un peu plus, par exemple, est-ce que tu as des exemples dans la sociologie politique, des thèmes, des thématiques assez précis pour en concrétiser un peu le truc? Ouais, bah en fait, ça, c'est un peu les cours de L1. Enfin, les cours de L1 que je donne, c'est des cours d'introduction en fait à l'analyse politique. Et le but, c'est d'essayer de les motiver et de voir un petit peu l'éventail de ce qu'on fait en sciences politiques et en sociologie politique, de ce qui pourrait les intéresser. Et donc, comme je disais, c'est la question du pouvoir en fait. Donc ça, c'est la thématique principale qu'on étudie quand même en sciences politiques. Oui. L'idée de qui détient le pouvoir, comment est-ce qu'on détient le pouvoir, et l'idée que surtout, le pouvoir n'existe pas sans reconnaissance. On a du pouvoir parce que les gens acceptent que tu détiennes ce pouvoir. Et donc du coup, aussi sans sa contestation. Donc il y a toujours des formes de contestation au pouvoir. Le pouvoir ne peut pas exister sans être reconnu et sans être contesté. Donc en fait, dans les thématiques qu'on aborde, il y a la question du pouvoir, la question de la résistance, du coup, la question des rapports de domination, des formes de légitimité, comment est-ce qu'on reconnaît comme légitime le pouvoir, la question de l'État, évidemment, parce qu'on est en sciences politiques et l'État est quand même le détenteur du pouvoir, l'institution détentrice du pouvoir par excellence, les nations, pour essayer de leur faire comprendre la différence entre État et nation. Et puis on parle aussi beaucoup des systèmes électoraux, donc là, en l'occurrence, dans une démocratie représentative, comment est-ce qu'on élit nos représentants. Mais voilà, on parle du rapport au vote aussi. Donc, les socialisations politiques des gens, pourquoi est-ce qu'on se met à voter pour tel parti? Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à des idées? Comment est-ce que ça s'incarne? Et voilà, on essaye souvent, en fait, bon, ça c'est une démarche qui est classique, en fait, en sciences sociales, c'est de casser les préjugés. Donc, quand ils sont en L1 et qu'ils arrivent, ils ont plein d'idées sur, justement, le Front National, par exemple, enfin, le Rassemblement National aujourd'hui, ils ont plein d'idées sur pourquoi est-ce que les gens votent comme ça, beaucoup de mépris, et donc, du coup, on vient, sans forcément excuser, essayer de leur faire comprendre, en fait, pourquoi est-ce que les gens votent pour tel ou tel parti, qu'est-ce qu'il y a derrière, et voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aborder toutes ces thématiques-là, mais encore une fois, pour moi, la science politique, c'est l'étude du pouvoir et des rapports de pouvoir. Il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, où tu dis qu'il n'y a pas de pouvoir sans contestation. Mais alors, ça paraît, oui, peut-être sur des grosses structures, on peut imaginer qu'il n'y a pas de pouvoir d'un pays qui soit unanimement apprécié, j'imagine. Oui. Mais sur des plus petites structures, on peut imaginer que la contestation n'est pas emblématique du pouvoir, enfin, je sais pas emblématique le mot que je cherche, mais on peut avoir un pouvoir sans contestation, quoi, non? Bah en fait, après, c'est par des formes qui sont pas, enfin, la contestation, elle est pas obligée de passer par soit on prend les armes, soit on prend la rue, enfin, c'est pas, des fois, ça peut être des formes de résistance qui sont de l'ordre de des choses plus implicites, et donc, du coup, des comportements d'évitement, justement, qui, ça, existent dans toutes les structures où, des fois, il y a des conflits internes qu'on va pouvoir gérer. Parce que le conflit, en tant que tel, n'est pas forcément néfaste, en fait, dans l'histoire des idées. L'idée du conflit, ça permet aussi de faire avancer. Si tout le monde était d'accord, souvent, on pourrait pas débattre de certains sujets, on pourrait pas prendre des décisions politiques, justement. Donc, du coup, l'idée de contestation, c'est aussi l'idée d'avoir une forme de conflit qui vient remettre en cause le pouvoir et qui permet d'avancer aussi en groupe, quoi. Bon, là, en l'occurrence, on parle de société, mais voilà, d'avancer collectivement. Mais ça marche aussi sur des petites structures. Donc, on a évoqué un peu la démarche, quelques thèmes aussi. Et moi, je remets à là encore un peu plus loin. Moi, qui n'y connais pas grand-chose en sciences sociales, plus en sciences humaines, j'ai fait un parcours en psychologie, j'ai poussé un peu le bouchon un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire, parce que tu as parlé des thèmes assez commun, comme le pouvoir, etc. Est-ce qu'on peut parler de lois scientifiques en sciences politiques ou en sociologie? Par exemple, il y a des lois physiques, comme la loi de la gravité, des lois chimiques et électrodynamiques. Il y a quelque chose qui pourrait s'assimiler à des lois en biologie par la génétique et la théorie de l'évolution. Pareil, en psychologie, il y a une sorte d'invariant qu'on pourrait assimiler à des lois comme des illusions visuelles ou des biais cognitifs. Est-ce qu'actuellement, on retrouve des choses similaires en sociologie ou en sciences politiques ? Je ne suis pas la mieux placée pour en parler, je vous avoue. Okay. Je ne suis pas au fait de ces débats-là ou quoi. Je sais qu'il y a tout un truc très scientiste en sociologie et en sciences politiques en disant « bon, bah, y a des lois invariantes, etc. » Je vous avoue que pour moi, c'est un peu compliqué de les visualiser et de les penser, sachant que le béaba de ce qu'on apprend du coup en sociologie politique, c'est que tout existe dans un contexte donné, dans un lieu donné et à une époque donnée. Donc à partir de ce moment-là, par exemple, on apprend que l'État, en termes d'institution qui permet de prendre des décisions et d'exercice du pouvoir, ça n'existe pas depuis toujours, ça n'est pas apparu comme par magie et ça n'a rien de naturel. Et du coup, c'est pas forcément... c'est un mode d'organisation parmi tant d'autres. Et donc du coup, j'ai du mal à penser des lois qui seraient invariables quand ce qu'on apprend, en fait, c'est que c'est des constructions sociales, en fait, qui sont socialement situées, géographiquement situé et historiquement situé à un certain moment, à une certaine période de l'histoire de l'humanité. Donc je vous avoue que du coup j'ai un peu de mal par rapport à ça, à en sortir. Voilà. C'est une question qui t'embête, ça, c'est du genre là. Ouais, non, mais parce que je sais pas, en fait, je saurais pas quoi te dire d'autre que moi j'en vois pas en tout cas. Après, voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que je pense que je suis pas une prof titulaire docteur en sciences politiques. Oui, donc, bien sûr. Donc voilà. C'est pour ça que je t'ai choisi aussi de venir ici, parce que quand tu sais pas, tu le dis. Quand c'est de la merde, oui, tu le dis. Est-ce que aussi, par exemple, en science, on retrouve l'idéologie politique. Ouais. Et la science politique, elle, est une science à but d'objectivité, hein, comme on l'a dit avec la démarche que tu l'as dit, etc. Mais j'imagine bien sûr que les opinions et les idéologies se font quand même ressentir dans les papiers, dans les articles, dans les textes, en fait. Mais ça, c'est dans n'importe quelle science, en fait. Mais question bête. Parce que j'avais envie de la poser quand même. J'ai l'impression que tout sociologue est de gauche. Est-ce que c'est une idée reçue ou pas ? Parce que comme tout sociologue est loin de négliger les facteurs sociaux, ça me semble logique, mais est-ce que c'est une idée reçue que j'ai ? C'est une idée reçue. J'aimerais bien que ça soit pas une idée reçue, mais c'est une idée reçue. Il y a pas mal de disparités. En fait, c'est assez particulier parce que parfois, en fait, on a des sociologues qui, donc du coup, des politistes même carrément, qui étudient les fonctionnements des organisations syndicales. Et donc, du coup, qui explique le rapport au patronat, etc., les conditions de travail des travailleurs et travailleuses. Et donc, du coup, là, sur le papier, on se dit, bon, bah, ok, je situe cette personne à gauche, là, c'est bon. En fait, pas du tout. Mais du coup, quand on côtoie la personne individuellement, non, pas du tout, ça fait pas forcément partie de ses pratiques de vote, etc. Et donc, non, ça suffit pas de s'intéresser aux facteurs sociaux pour être de gauche, même si ça pourrait, mais non, ça ne suffit pas. Et inversement, du coup, il y a des sociologues de droite qui produisent des travaux vraiment exceptionnels en sociologie et en sciences politiques, en fait. Donc, l'idéologie est... on a une part de subjectivité qui est présente quand on se lance sur un sujet, parce qu'il y en a certains qui vont nous intéresser plus que d'autres. Donc déjà, rien que le choix du sujet et son angle montrent aussi la part de subjectivité qu'on a, qu'est-ce qui nous intéresse. Mais par contre, dans le traitement du sujet, ben, en fait, on se rend compte qu'avec la démarche scientifique, avec le fait que tout soit vraiment contrôlé avec rigueur, etc., ben, en fait, les opinions ne transparaissent pas nécessairement. Là où ça transparaît, je trouve personnellement, surtout quand je lis des trucs, c'est dans les introductions, en fait, quand on essaye de faire une accroche. Et donc, du coup, là, on patauge un petit peu. Et donc, on n'est pas du tout dans l'ordre de la science, mais plus d'un exercice littéraire, en fait. Et là, ça ressort quand même beaucoup plus, je trouve, l'individualité des gens et leur subjectivité. Mais voilà, non, tous les sociologues ne sont pas de gauche. Après, ça dépend comment est-ce qu'on définit être de gauche. Mais il y a aussi plein de sociologues qui se situent à une... ce que d'autres qualifieraient comme de gauche et qui sont, en fait, dans une espèce de flou entre gauche très... début de gauche institutionnelle, très défense de l'État, de ses institutions, etc. Donc voilà, ça dépend en fait. Ok, donc c'était bien une idée reçue que j'avais. Ouais. Tant qu'on est sur les sociologues, juste un point. Donc, les plus connus, on a quoi ? On a Bourdieu, Durkheim, Weber. Ouais. Mais toi, si quelqu'un s'intéresse par exemple à la sociologie, toi tu indiquerais plutôt de lire qui ? Grosse question. Pour la sociologie, vraiment, et ouais. pas la science politique. Je dirais que ça dépend du niveau d'étude des gens, en fait, et de leur niveau de compréhension des textes. Parce qu'il y a des personnes que j'adore lire, mais qui sont absolument pas du tout accessibles, qui sont incompréhensibles, en fait. Quand on commence. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais moi, perso, je dirais d'aller regarder du côté de l'école de Chicago. Et donc, du coup, de Howard Baker, de Goffman et de toutes ces personnes-là, donc Nord-Amérique, mais qui sont vraiment extrêmement intéressants et très faciles à lire. Parce que justement, ils essayent de se pousser à écrire d'une manière qui soit claire et accessible. Ils ont écrit des bouquins, d'ailleurs, justement, sur écrire les sciences sociales et comment est-ce qu'on pourrait écrire de manière beaucoup plus claire et enlever un peu toutes les fioritures qui se retrouvent quand on a une écriture très universitaire, qui est très codée, normée, etc. Et sinon, en sciences politiques, parce que là, c'est des sociologues, en sciences politiques, c'est compliqué. Mais moi, je prêche encore pour ma paroisse, je dirais de lire des gens qui font des travaux qui sont de l'ordre de l'ethnographie, en fait, et qui se posent des questions politiques sur le rapport aux politiques des gens, mais en passant des années, des décennies avec eux, en fait. Quand je dis des décennies, c'est littéralement un travail qui commence avec la thèse et qui termine quand les gens... décèdent, quoi. Ils sont maîtres de conf, profs, titulaires depuis longtemps, etc. Et donc, du coup, par exemple, le travail de Romain Pudal, qui a travaillé sur la politique, enfin, les rapports à la politique des pompiers, il travaille aussi sur d'autres choses sur les pompiers, ou Loïc Vacan sur la boxe, donc du coup, là, plus quelque chose qui est plus proche de la sociologie du sport. Et si vous aimez les trucs sur les questions de démocratie, des trucs un peu plus théoriques, je dirais Francis Dupidéry, que j'ai eu comme prof aussi, et qui... je trouve, reste très accessible pour expliquer un petit peu tous ces concepts de qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que la police, voilà. Voilà, donc quand tu me donnes des noms et puis des... On voit bien que les groupes de population sont très très ciblés quand même, à chaque fois. Oui, bien sûr. Oui. Et donc toi, par exemple, dans tes mémoires ou dans ce que tu as fait dans tes recherches précédentes, c'était plus quoi comme thème que tu faisais ? Moi, j'ai fait un mémoire de masterin. Enfin, les deux mémoires portent sur la même population qui est étudiée, après avec des angles différents. Mmh. Et donc, du coup, la population étudiée, c'est les vidéastes web. Donc, c'est ceux qui ont fait d'Internet leur métier. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment important. C'était la condition pour moi. C'est leur source première de revenus et donc, du coup, leur activité principale. Donc, produire des vidéos, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch, en l'occurrence. Et voilà, donc le premier mémoire, je l'avais fait sur les rapports de domination en ligne. Et donc du coup, à travers l'étude des vidéastes web, essayer de voir qui réussit sur Internet. Et montrer un petit peu le plafond de verre, les obstacles que certaines catégories de population retrouvent en fait sur Internet, même si elles cochent toutes les cases de ce qui devrait fonctionner sur Internet. Et le deuxième mémoire de recherche, c'était, du coup, pour mon Master 2, c'était sur la professionnalisation des vidéastes web. Donc là, vraiment, comment est-ce qu'on fait d'Internet son métier ? Comment est-ce qu'on est face à un métier qui n'existe pas ? En fait, moi, je dis vidéaste web parce que, déjà, c'est agenré, ça permet de parler d'hommes ou de femmes. Et en plus, ça permet de parler de Twitch ou de YouTube, plutôt que de dire YouTubeur, YouTubeuse. Mais en fait, ça n'existe pas d'un point de vue... légal aujourd'hui, enfin, il n'y a pas de statut, il y a un syndicat, la guilde des vidéastes qui est en train de se créer, mais en fait, c'est quelque chose qui est très très flou. Donc, comment est-ce que on fait d'Internet son métier alors qu'on n'a pas de cadre juridique sur lequel se reposer, que c'est que de l'entre-soi? Donc, comment est-ce qu'on crée des codes auxquels les gens adhèrent pour monter en gros sur Internet, pour percer, comme on dit en gros sur Internet? Et voilà, tous les codes qui se régissent, qui sont des choses qui sont de l'ordre du non-dit, en fait. Il n'y a pas, tu peux pas, créer une feuille de route en disant, bon bah voilà, demain j'ai envie de réussir sur Internet, je lance ma chaîne YouTube, voilà ce que je dois faire pour réussir. Ça n'existe pas aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font des formations pour apprendre à devenir YouTubeur, des écoles privées, etc. Ça reste que ça repose sur rien. C'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'entre-soi, du non-dit et des codes implicites. Et pour rendre concret ce qu'on a vu avant, un peu la démarche, toi, comment t'as fait tout ce qui est observation, enquête ethnographique, etc.? Oui, attends, je l'ai sorti parce que je me souviens plus à quel moment j'ai fait quoi pour le mémoire. Après, ça se mélange à ce que je fais aujourd'hui, donc c'est pas très très grave. Mais en fait, j'ai fait de l'observation participante, c'est-à-dire que j'ai été sur des tournages, si vous l'avez vu d'ailleurs, la vidéo des JDG, enfin de Fred et Seb, sur Harry Potter. C'était un tournage qui a duré deux jours. Joueur du grenier. Exactement. J'étais là pendant deux jours. Mais sinon, en fait, les observations participantes que j'ai faites, c'est sur des moments comme ça, ponctuels de tournage, ou des moments où les gens se retrouvent ensemble pour filmer, parce qu'en général, c'est quand même un boulot qui est assez isolé. Et c'est aussi les moments de convention, c'est-à-dire les moments où ils se retrouvent dans des grandes salles pour signer des autographes, où il y a le public qui vient les voir, où ils font des tables rondes, etc. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre du festival, des conventions, des tournages et des événements privés, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout ouvertes au public et vous n'avez pas accès, en fait, si vous n'êtes pas vous-même vidéaste, c'est-à-dire les avant-premières de certains jeux où, en fait, on fait venir les youtubeurs ou les streamers gaming qui font du gros chiffre en leur disant « Bon, bah voilà, tu testes mon jeu en avant-première et donc, du coup, tu pourras le faire découvrir à ta communauté, tu as des accès spéciaux, etc. » Souvent, c'est des voyages qui sont faits dans d'autres pays. Et voilà. Et après, après avoir fait toutes ces observations-là, j'ai fait aussi des observations en ligne. Du coup, j'ai regardé le travail des vidéastes directement en live. Et donc, du coup, je participais moi aussi. J'étais souvent là. Et ben, j'ai fait des entretiens tout simplement. Et donc, j'ai discuté avec eux pendant des heures. Voilà. Mais en gros, on peut dire que je les ai suivis de ce qu'ils font en ligne jusqu'à la chambre d'hôtel, ce qui se passe dans les moments informels où on prend des repas ensemble, sur les événements publics comme privés. Et donc à chaque fois, donc c'est en gros tu notes presque tout, quoi, tout ce que tu observes et tout ce que tu en retiens pour ton hypothèse et tout ce qui t'intéresse. Mais comme c'est pas une étude de cas, tu essayes de ressortir de quelque chose de tout ça, en fait, de tous tes entretiens. Oui. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on prend des notes, mais on peut pas prendre des notes. Enfin, aujourd'hui avec les téléphones, c'est un peu plus simple, mais on prend pas des notes directement devant les gens. C'est-à-dire que si on est en plein milieu d'un repas et qu'il y a des choses qui sont Ouais, il y a des choses qui sont en train de se dire, mais tu peux pas vraiment sortir ton carnet et être en mode « Allez, c'est parti ouais. ». Donc c'est un peu… Des fois, tu peux sortir ton téléphone en scred et faire comme si tu écrivais un SMS et en fait, tu prends une citation de quelque chose qui t'a vraiment intéressé. Mais en général, c'est vraiment… on écrit dès qu'on a un moment de pause et on se retrouve isolé. Donc, on va partir aux toilettes, on va attendre la fin de la journée pour prendre des notes. Dès qu'il y a des pauses, des moments de pause, on va noter sur un carnet de terrain tout ce qu'on a pu observer et tout ce qu'on a pu entendre. Et du coup… Ce qui est intéressant avec les observations participantes, c'est que c'est pas simplement ce que disent les gens, c'est aussi la manière qu'ils ont de se positionner dans l'espace, les manières qu'ils ont de se comporter avec les gens. Et du coup, c'est aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre des du comportement, la psychologie. Ouais, du comportement, aussi, hein. Mais corporel en fait. Il y a beaucoup de choses qui se jouent avec le corps en fait et la manière qu'on a de se tenir ou de se positionner dans l'espace. Et du coup, toutes ces choses-là peuvent être interrogées. Questionner avec l'observation participante, ce que tu n'auras pas, encore une fois, avec un questionnaire. Est-ce que tu as aussi travaillé avec des gens qui… Parce qu'il y a un énorme biais de sélection sur les vidéastes qui réussissent. C'est ceux qui… Et je me dis, est-ce que tu as travaillé aussi avec des vidéastes qui ne réussissent pas, quoi ? Des gens, ouais. Ça fait 3 ans qu'ils bossent et qu'ils ont 4 auditeurs à chaque vidéo, parce qu'il y en a sans doute plein, quoi. Ouais, j'ai fait des trucs comme ça. Alors, pas avec 4 auditeurs, parce qu'en général, ils abandonnent. En tout cas, ils sont moins réguliers, etc. Mais j'ai fait avec des gens qui essayent à tout prix d'en vivre et ont toujours un job alimentaire à côté et n'y arrivent pas. Il y en a certains qui ont percé depuis et qui ont réussi. Mais voilà. Mais oui, j'ai eu des gens aussi qui n'y arrivaient pas. Après, c'est compliqué, parce qu'il y a forcément un biais aussi dans comment est-ce que tu tombes sur leur chaîne. Et comment est-ce que tu les intègres dans l'échantillon d'enquête ? Donc ça, c'est forcément quelque chose à prendre en compte, et ça peut pas du tout être exhaustif. Mais ça, c'est un truc qui est assumé, c'est-à-dire que là, on a parlé du côté objectivité et tout ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours… Enfin, le côté subjectif et le côté « je n'ai pas un échantillon représentatif » est complètement assumé dans ce type de recherche, en disant « bah en fait, c'est ça qui est intéressant, les biais du chercheur aussi, et ils sont inclus dans l'enquête. » C'est-à-dire que du coup, on doit se positionner nous-mêmes dans l'enquête, dire qu'est-ce qui se passait à tel moment, parce qu'en fait, quand on observe, on est là aussi. Donc il y a des choses qui se passent, parce que nous, on est là, qui ne se passeraient pas si on n'était pas présent. Et des gens qui se comportent de telle ou telle manière parce qu'ils savent que vous, vous êtes chercheur et que vous êtes là. Et donc, du coup, ça, c'est forcément à prendre en compte et ça fait partie de l'analyse et ça permet de voir aussi comment se comportent les gens en fonction de qui ils ont en face d'eux. Et donc, du coup, quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui fait des recherches en sciences sociales qui est là, qu'est-ce que ça leur renvoie aussi ? Surtout quand on est face à des gens qui n'ont pas forcément fait d'études, en fait, il y a aussi des formes de violence symbolique en se disant « mais en fait… est-ce qu'elle est en train de me juger ou pas ?» Enfin voilà, il y a des rapports comme ça. Enfin, par exemple, sur le tournage de Fred et Seb et du JDG, du coup, de spécial Harry Potter. Il y a Fred qui a interrompu le tournage à un moment. J'étais en train de prendre des notes dans un coin et qui est venu me voir et qui m'a dit « T'as noté que j'ai fait une blague homophobe, là, c'est ça ou pas ? Tu vas le dire ?» Et moi, j'étais là genre « Mais non, c'était pas le cœur du truc. Je note pas l'entièreté de tes blagues en disant « Alors là, il est cancel, hein, c'est mort, je lui parle plus jamais. » Enfin, c'était pas du tout ça. Mais c'est très drôle, du coup, parce qu'on voit qu'ils ont des interactions avec nous qui sont permises par l'enquête. Et ça, t'es obligé de l'intégrer. Tu peux pas faire comme si ça n'existe pas parce que, du coup, ça vient rajouter des choses à ton enquête. Et moi, le fait qu'ils connaissent mes positions politiques, par exemple, mais du coup, on va avoir des débats sur le féminisme, sur plein de questions comme ça qui sont un peu ardues et avec lesquelles ils sont pas forcément d'accord. Mais du coup, le sujet va venir parce que moi, je suis là. Et la manière dont ils vont l'aborder avec moi est souvent bienveillante, d'ailleurs, et ça se passe très, très bien. Mais du coup, en fait, ils sont intéressés par ces sujets-là parce qu'il y a ma présence. Et ça, je suis obligée de l'avoir en tête, en fait. Et tu le vois souvent en contraste avec leurs vidéos ou avec les moments où... souvent, eux discutent de ce qu'ils ont vu à une autre soirée et comment ils se comportaient avec les autres. Et en fait, tu vois que toi, tu viens un peu créer un élément perturbateur, quoi. Ouais, l'autocritique sur sa propre étude est très, très importante en sciences humaines et sociales. Ouais. Oui, c'est horrible, mais on est obligé de le faire, ouais. Ouais, et donc ça, c'était plus sur l'observation et les données même. Mais du coup, quand tu as plein de données, plein d'observations, comment est-ce que tu tires de toutes ces observations ce qui t'intéresse ? Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme des études de cas ciblées, mais ce qui t'intéresse, c'est le groupe entier. Comment tu ressors les données pour le groupe ? Pour la montée en généralité, en fait, ouais. Bon, c'est des fois un peu compliqué de savoir s'arrêter, en fait, quand on est dans la construction des données et que du coup, on est sur le terrain. Il y a une espèce de boulimie du terrain où c'est une phase qui est souvent très agréable, en fait, d'être avec les gens, de prendre des notes, de commencer à faire des brides d'analyse sur le brouillon de notre carnet de terrain et tout. Tu parles pour toi ou en général que le terrain? Non, en général, c'est une phase qui est appréciée en fait okay. Par les gens qui font des recherches. En tout cas, moi, c'est le retour que j'ai. La phase terrain, c'est peut-être la plus agréable par rapport à la rédaction qui est très laborieuse. Et donc voilà, la phase enquête, on va dire, est agréable parce que t'es dans un côté enquête où il y a rien qui peut mettre en danger les gens. C'est-à-dire que les données vont être anonymes après. Il va pas y avoir de répercussions sur la vie des gens. T'es pas un flic, en fait. Donc, voilà. S'ils font des choses illégales, souvent c'est le cas. Il y a certaines enquêtes qui sont menées sur les consommations de drogue ou des choses comme ça. Où, en fait, il y a des choses qui pourraient mettre en danger les enquêtés. Donc, qui sont complètement anonymisées ensuite. Donc, cette partie-là, elle est souvent très intéressante parce que t'es plongé dans un milieu qui est pas le tien et tu peux l'observer, prendre des notes, etc. C'est souvent éprouvant. Fatigant, parce que du coup, t'as une double journée de travail entre le moment où t'es sur le terrain, surtout pour ceux qui, par exemple, Romain Pudal, lui, il s'est carrément inscrit comme pompier. Enfin, il était pompier, et donc du coup, il avait sa journée de travail en tant que pompier, et ensuite, le soir, il prenait ses notes, il écrivait sa thèse, etc. Donc là, forcément, c'est des choses qui peuvent être vraiment éprouvantes. Mais du coup, la montée en généralité, déjà, ouais. Faut savoir s'arrêter, c'est compliqué. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu regroupes les entretiens, etc., t'as des choses qui ressortent, en fait. Et donc, du coup, la montée en généralité, elle arrive à partir des entretiens et des éléments d'observation particuliers, parce qu'en fait, quand on termine un entretien avec quelqu'un, on va le retranscrire, on prend des notes dessus, et donc, du coup, t'as la version... un entretien qui dure 3 heures, par exemple, on va tout réécrire à l'écrit, tout ce qui s'est dit, et là, tu vas te rendre compte de certaines choses dont on a parlé pendant l'entretien. Toi, tu étais là, mais juste, c'est pas forcément ressorti. Et quand tu écoutes l'enregistrement, ça ressort. Et petit à petit, comme ça, tu tires des fils. Et en fait, sur la professionnalisation des vidéastes, il y a juste des propos qui sont venus systématiquement dans la bouche des vidéastes, en fait. Et là, tu vois qu'ils partagent un socle commun de comment est-ce qu'ils considèrent le métier et qu'est-ce qu'ils considèrent comme des pratiques louables à avoir dans ce métier. Et aussi, les gens qui sont mis en avant comme... l'exemple à ne pas suivre, ça va être tout le temps les mêmes personnes, qu'importe dans les groupes dans lesquels tu es. Donc du coup, tu réussis à tirer des données comme ça par la répétition aussi des propos et la manière dont ils sont tenus. Donc c'est vraiment en fonction de toi, comment tu observes, comment tu arrives à tirer les thématiques communes, quoi. Après, de toute façon, il y a un besoin de reproductibilité. Enfin, en gros, oui, si quelqu'un remène la même enquête, t'es censé déjà expliquer toute la démarche. Comment est-ce que toi, tu as mené l'enquête? Dans quelles conditions pour pouvoir le refaire? Et donc, du coup, quelqu'un qui veut mener la même enquête peut, du coup, essayer de voir à quel point là, c'était de l'ordre de... ton interprétation. Mais en fait, au début, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'interprétation au début quand t'es sur le terrain. Parce qu'il y a certaines choses que tu imagines être et qui vont se passer comme ça. Et en fait, tu te rends compte que non, mais ça, ça arrive en passant du temps sur le terrain aussi. C'est pour ça que c'est important, l'ethnographie, de rester longtemps avec les gens et de pas juste aller les voir une fois à une convention, puis ensuite de leur faire un entretien d'une heure avec eux. Enfin, ça suffit pas, en fait. Il y a vraiment ce côté répétition pour arriver à construire des données. Et justement, c'est une thématique qui est assez développée en sciences ou pas du tout, celle-là ? Plus les rapports sociaux en ligne, tout ce qui est sociologie plutôt en ligne. C'est en train d'être... Enfin, moi, je te dirais que quand j'ai commencé mon mémoire, c'était un peu laborieux. Il n'y avait pas grand-chose. Là, c'est vraiment en train de... Tu défrichais, en fait, le terrain, en fait, ça. Ouais, mais j'avais l'impression de défricher. Je pense qu'on était beaucoup à avoir l'impression de défricher. Ouais. Et en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur ces sujets-là à peu près à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est quand même en train de beaucoup se développer. Déjà, moi, à mon époque, il y avait Julien Rueff qui avait sorti un livre sur les MMORPG et les rapports, la socialisation en fait dans les jeux vidéo en ligne. Donc du coup, les rapports de reconnaissance et de mépris qu'il y avait à l'intérieur d'une guilde de Warhammer. Donc lui avait déjà fait sa thèse sur un sujet comme ça. C'est carrément des rapports sociaux en ligne à l'intérieur d'un jeu dans lequel les gens se retrouvent chaque jour pour jouer ensemble, etc. Des rapports de pouvoir aussi, hein, forcément, avec les chefs de guilde, etc. Et là, aujourd'hui, c'est un peu en train d'exploser avec le travail de Samuel Kouavou, de Noémie Rock, qui commence à montrer les vidéastes comme une profession de l'authenticité, c'est-à-dire mettre en avant un capital authenticité pour être apprécié des gens, etc. Qu'est-ce que tu appelles capital authenticité ? Le capital authenticité, bah, c'est eux qui le développent, c'est la notion de... Bon, la notion de capital, en fait, ça vient de Pierre Bourdieu, c'est ce qu'on possède et ce qui permet de nous positionner dans l'espace social. Par exemple, je possède un gros capital économique, donc j'ai de l'argent, l'héritage, patrimoine, etc. Capital social, c'est le réseau, en fait, si on pourrait simplifier, c'est le réseau, les gens que je connais. Comment est-ce que je peux les mobiliser pour obtenir un emploi, par exemple ? Le capital culturel, c'est le niveau de diplôme, mais aussi les loisirs, les choses par lesquelles on est intéressé, ce qui est nos goûts, en fait, ce qu'on va lire, ce qu'on va aller regarder. Et eux, ils parlent de capital authenticité qui est mis en avant par les vidéastes, c'est de montrer qu'on est authentique sur Internet, qu'on est naturel, qu'on est vrai, surtout en direct, en fait, sur Twitch. Donc, du coup, essayer de mettre en avant ce capital authenticité pour que les gens soutiennent notre activité. Voilà, eux, ils l'expliquent comme ça. Et il y a Jean-Samuel Buscar qui parle aussi des plateformes en ligne et qui fait tout un travail sur ça. En gros, je vous dirais que c'est en cours en ce moment, quoi. Il y a des choses qui sortent. Et toi aussi, est-ce que tu aimerais continuer la recherche ou pas du tout ? C'était une grosse question pendant longtemps, qui n'est toujours pas tranchée. En gros, quand j'ai fini mon Master 1 et que je me suis rendu compte que j'aimais même la rédaction, je me suis dit, bon, bah, ok, je peux peut-être me lancer en thèse, en fait, hein, ça m'intéresse vraiment, et juste être payé pour faire de la recherche, même si je continue pas, admettons, après, je deviens pas titulaire ou quoi, c'est pas la question, mais juste pouvoir mener mes recherches, c'est déjà une chance incroyable. Donc, du coup, j'étais pas mal dans cette optique-là, donc j'ai construit mon mémoire de Master 2 en pensant à un financement de thèse, etc. Mais globalement, bah, y a très très peu de financement aujourd'hui en sciences sociales. Bon, de tout court, il y a très peu de financement. Mais alors, en sciences sociales, c'est encore pire. Et voilà. Et du coup, je me suis retrouvée face à des difficultés de l'ordre matériel, quoi. En mode, est-ce que je mets de côté ma santé mentale et physique pour financer moi-même ma thèse? Parce qu'on a le droit en sciences sociales de s'inscrire en thèse, même si on n'a pas de financement. Mais du coup, avec toutes les implications que ça a et les dangers que ça peut avoir, parce que je connais quand même pas mal de gens qui, la thèse, ça pèse sur le moral, c'est quelque chose qui est quand même très très lourd, qui prend un peu l'entièreté de ta vie, et quand t'as un job alimentaire à côté, c'est très compliqué. Et donc pendant 2 ans, j'ai cherché des financements de thèse vraiment quasiment à fond, enfin il y a vraiment une année où j'étais vraiment à fond, et j'ai eu des moments très très compliqués, où le financement qui te passe comme ça dans les doigts pour des questions politiques, en fait, ton dossier est bon, mais au final, j'ai fait un appel public pour ce financement, ce CDU, ce contrat doctoral, mais parce que en fait, j'avais besoin de prendre quelqu'un de mon labo. Mais voilà, elle avait déjà cette thèse, mais c'est juste qu'il fallait que je le justifie, en fait. Il fallait que des gens puissent postuler. Je pouvais pas juste lui donner le poste et basta, vu que c'est un concours pour obtenir le financement public. Du coup, tu te retrouves à des situations comme ça où tu te dis, bah, peut-être que mon capital social n'est pas assez grand pour faire financer ma thèse et que du coup, bah, je devrais faire de la recherche à ma manière ou attendre, en fait, tout simplement, parce que ça veut pas dire qu'il y a pas des opportunités de thèse qui vont s'offrir à moi plus tard, en fait. Juste pas rusher. Parce qu'on nous apprend beaucoup ça aussi, hein. Il y a les profs qui mettent la pression en te disant du master, ils aiment beaucoup les gens qui terminent leur master et qui vont tout de suite en thèse, et du coup ça met un espèce de climat comme ça où t'es là genre, ah bah c'est maintenant, je prends le train maintenant, ou ah non, sinon c'est foutu, ce qui est totalement faux en fait. Tu peux trouver des financements après, tu peux trouver des financements en chiffres justement, qui est des contrats qui sont aussi partenariat public-privé, quoi, en gros, avec des entreprises. Donc, il y a d'autres possibilités. Donc, pour l'instant, je laisse la porte ouverte, mais ça a arrêté de devenir ma priorité. Et je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça, et je me sens beaucoup mieux aussi, quand c'est plus 100% dans ma tête. Ouais, donc, aujourd'hui, du coup, donc, avec ta relation avec l'université, donc, tu fais des cours, on peut dire ça, des cours, hein, tu es chargée de TD, ouais. Les travaux dirigés, et à côté aussi tu es streameuse, donc est-ce que tu peux un peu parler de ce métier, parce qu'on a parlé de youtubeur, streamer, etc. Ouais. Comment toi tu définirais ce métier-là, streameuse? Moi je continue sur mon terrain, hein. Mon terrain me rapporte de l'argent, voilà. ça arrive rarement mais c'est le cas, et du coup ouais, mon activité principale aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout anticipé au moment où j'ai commencé mon master, c'est d'être streameuse, donc de produire du contenu en ligne en direct. C'est-à-dire que je lance un live soit le matin, soit le soir. Les gens sont en direct avec moi et me retrouvent. Au début, j'ai commencé avec du jeu vidéo. Aujourd'hui, je parle de sciences sociales en stream. Je dis sciences sociales parce que bah là, la dernière fois, on a parlé d'anthropologie. On parle souvent de sociologie et de sciences politiques quand même. Là, je vais faire tout un... Je vais lire. Je lis en stream, en fait, tous les jeudis à 17h. Je fais des live lectures de sciences sociales où il y a quand même du monde. Et là, en ce moment, je lis les faux-semblants du Front National. Ça va être le programme pour le mois de février. Et en fait, c'est la sociologie du parti politique, du FN. Essayer de comprendre les électeurs et essayer de comprendre le fonctionnement du parti, ses évolutions, etc. Donc voilà, je fais des live lectures de sociologie politique, on fait des discussions. Je parle pas beaucoup d'actualité, des fois je rebondis dessus parce que le chat m'en parle, mais je suis pas du tout dans le commentaire d'actualité parce que là c'est souvent plus de l'ordre de l'émotif. Enfin, c'est vraiment, je donne mon avis, quoi. Donc c'est de l'édito, c'est pas forcément très pertinent. Mais voilà, je mélange jeux vidéo, qui est pour moi une bonne porte d'entrée vers les questions politiques, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo dans lesquels sont mises en avant des systèmes politiques qui sont pas forcément questionnés par les joueurs et les joueuses. Les jeux vidéo, c'est aussi beaucoup de représentations qu'on peut questionner du coup d'un point de vue de la science politique. Donc voilà, c'est mon point d'entrée. Et en général, les gens arrivent avec la science politique, enfin, soit arrivent directement avec la science politique parce que ça les intéresse, soit arrivent par les jeux vidéo et se disent « Ah mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de lire un livre, mais c'est quoi ça ?» Et du coup, voilà, c'est un hameçon en fait. Il y a un truc super intéressant que tu as dit avant, c'est qu'en fait, tu es devenue streameuse un peu malgré toi à cause de ton terrain en fait, que tu t'es intéressée. Non, en fait... C'est compliqué, c'est que je suis devenue streameuse en même temps que je suis rentrée à la fac, donc du coup je stream depuis 2013, et en fait moi comme je disais j'avais un cursus en philosophie politique, donc du coup très très éloigné de la notion de terrain, et quand j'ai fait mon premier cours en master, cours de méthode, où on nous demande quel va être le sujet qui nous intéresse et tout, moi j'ai commencé à dire j'ai envie d'étudier comment la construction européenne renforce les nationalismes à l'intérieur des États, donc du coup renforce l'extrême droite nationale. Et la prof m'a dit c'est génial, mais tu le feras pas ici, tu peux le faire à l'ENS, mais chez nous c'est mort. Et moi j'étais en mode mais pourquoi? Mais parce qu'il te faut un terrain. Comment est-ce que tu étudies ça? Et moi j'étais là genre mais un terrain, mais qu'est-ce que c'est? voilà, j'étais complètement perdue. Ouais. Et donc du coup c'est le fait que je sois perdue qui a fait que je me suis raccrochée à ce que je connaissais. Et du coup ce que je voyais aussi, c'est-à-dire que les vidéastes c'est un sujet qui est pas du tout pris vraiment, enfin à ce moment-là, qui n'était pas du tout pris par les sciences sociales, qui n'était pas étudié. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, moi, l'intérêt, c'était pas de montrer les différences de ce métier-là, c'était de le réinscrire dans l'histoire des professions, comment est-ce qu'on crée une profession. Donc du coup, de montrer que c'est un métier qui est quand même assez banal dans sa construction, même si on a l'impression que c'est exceptionnel, que c'est nouveau. En fait, la formation du métier de journaliste, moi, j'ai rapproché, par exemple, les vidéastes web des footballeurs professionnels, pour lesquels souvent on a aussi beaucoup de mépris. Donc du coup, il y avait pas mal de choses qui collaient avec les métiers où on est star. Et voilà, mise en avant de soi, mise en scène de soi, avec les pouvoirs d'influence et tout ça. Donc voilà, non, j'étais streameuse avant. Et du coup, okay. J'ai utilisé le fait que j'étais streameuse avant pour mes recherches, qui a posé des questions aussi d'ordre méthodologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, parce que l'enquête ne commence pas au moment où je commence mon mémoire, parce qu'en fait, je connaissais déjà des gens. Donc du coup, il faut me réintroduire aussi dans le réseau de sociabilité des gens que je connaissais déjà. Tu faisais déjà partie un petit peu du terrain, quoi, ce que tu disais. C'est dire, ça. Quoi. C'est ça. Donc, ce que tu disais, donc, parmi ce que tu proposes, entre deux jeux vidéo, tu nous lis et commandes des bouquins de sciences sociales. Yes. Donc, en live, tu disais le jeudi, c'est ça? C'est ça, tous les jeudis à 17h. Et tu as aussi une chaîne YouTube où tu listes un peu toutes tes rediffusions. Donc, on mettra le lien dans les notes d'émission. Donc, je vous conseille, hein, c'est vachement sympa, c'est très accessible et ça s'écoute comme un podcast, on pourrait dire même. Comme je l'ai dit aussi avant, avec Moody, ce qui est bien aussi, c'est que. Si on comprend rien ou que c'est de la merde, elle le dit. Ça, c'est cool. Ouais. Surtout que, bon. Donc, en gros, il y a plus du tout la notion, en fait, de la personne qui sait tout et les autres qui écoutent. Je crois que c'est une notion importante pour toi, si ça, non? Ouais, l'espèce de maître ignorant, c'est-à-dire que je connais des choses forcément parce que bah voilà, j'ai quand même un gros background maintenant en sciences politiques, mais c'est pas pour autant que les gens ne peuvent pas m'apprendre des choses et ont pas des remarques pertinentes, des angles pertinents. Bon, parfois je m'énerve sur le chat parce qu'on est en direct et donc du coup quand t'as 10 fois le même commentaire, c'est sûr que ça tend un petit peu, mais sinon j'essaye de travailler sur ma patience, mais voilà, j'ai beaucoup appris aussi des commentaires du chat et leur manière qu'ils avaient de réagir à certains sujets, de remettre en perspective certaines choses, et voilà, des fois ils t'apportent des angles auxquels t'avais pas pensé parce que toi t'as le nez dans le guidon et le nez dans ce que tu lis et tu te rends pas forcément compte de ce qu'il y a autour, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec le chat aussi c'est bien aussi parce qu'il y a souvent des questions naïves ou des remarques naïves, ouais. Donc ça c'est le côté streaming, mais aussi tu fais des sortes de, on peut dire des vidéos de vulgarisation scientifique ou on pourrait même dire, ouais, des documentaires, c'est ce que t'appelles conscience sociale sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou... C'est un format que j'ai créé l'année dernière, donc il y a à peu près pile poil un an que j'ai lancé. Comme, du coup, c'était le moment crise, hein, c'était le moment... je viens de passer un entretien pour avoir un financement de recherche et on me dit que j'ai un très bon profil recherche, mais qu'ils ont besoin d'un salarié qui va faire du 35 heures et plus et à côté fait sa recherche. Donc voilà, donc il faudrait être de la main-d'œuvre malléable tout de suite et pouvoir être employable tout de suite. Donc au final, juste... tu t'embauches à un boulot classique et puis tu fais ta thèse à côté. J'ai eu ce moment crise là où je me suis dit ok, donc on va peut-être attendre pour la thèse, arrêter de rusher sur tout. Et j'ai passé mes vacances de Noël à réfléchir parce que le chat sur Twitch arrêtait pas de me demander un format sciences sociales et moi ça me frustrait parce que en live je suis pas aussi précise que ce que je saurais à l'écrit en fait, parce que je réponds à des questions et tout, et des fois tu te perds un petit peu aussi, tu divagues, etc. Bah oui, en direct c'est dur. Ouais. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment un format YouTube qui se prêterait à se mettre dans un sujet en profondeur, en fait, et l'investiguer en profondeur et essayer de donner à voir ce que c'est que de la recherche en sciences sociales à des gens qui n'en ont jamais fait. Alors, le premier épisode que j'ai sorti était sur les mèmes. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément le plus accessible, et je pense que j'ai encore à travailler là-dessus. Mais là, je suis en train de travailler sur la forme pour que ça soit encore plus clair pour des gens qui n'ont pas fait d'études. Et je pense que je tiens quand même quelque chose. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est intéressant à faire, notamment parce que je prends des sujets auxquels je ne connais rien. Donc là, les mèmes Internet, par exemple, bah, je connais parce que j'ai toujours vu passer des mèmes. Mais par contre, c'est quand même des sujets qui ne sont pas mes sujets de prédilection en termes de sujets de recherche, quoi. Donc un mème, c'est cette fameuse image, animée ou non, souvent accompagnée de textes, qui se partage assez de manière virale sur Internet. C'est ça. On peut définir ça comme ça. Ouais. C'est ça. Et donc, tu nous expliques... comme quoi il pourrait avoir un message politique derrière le mème, c'est ça, je me trompe pas? Bah en fait, la problématique, en tout cas l'angle avec lequel j'étais partie, c'est comment est-ce qu'on peut penser les mèmes comme des moyens de participation politique, en fait. Il y a souvent cette idée qui dit que les jeunes sont de moins en moins intéressés par la politique, ils en ont rien à faire, ils sont apathiques politiquement, etc. Et donc du coup, j'avais envie de montrer, donc là c'est le côté plus objectif de l'angle que j'ai pris, de dire bah en fait c'est des moyens de participation politique, et notamment sur les violences policières et comment est-ce qu'on les tourne en dérisoire avec des mèmes, comment est-ce qu'on se moque aussi, bon j'ai pris des exemples de plusieurs pays, mais comment est-ce qu'on se moque des dirigeants politiques, il y a une contestation en fait du pouvoir et de ces différentes formes qui sont faites à travers des blagues sur internet, et ce qui est assez intéressant c'est que c'est fait par des anonymes, là on n'est pas face je sais pas, à un dessin animé satirique ou quoi, on est face à des inconnus anonymes derrière leur ordinateur qui créent des trucs de manière virale et qui se les repartagent, les remodifient, les partagent, etc. Donc on est face à des moyens de création qui sont très horizontaux, en fait, parce que ça demande absolument aucune compétence en informatique pour en faire. Vous avez littéralement des sites web où vous pouvez juste prendre la photo, écrire un texte, c'est bon, pas besoin d'avoir un logiciel de montage chez soi, Photoshop, non, besoin de rien, même pas Paint. Ça peut être fait sur Paint, d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très facile d'accès, qui est très utilisable, qui est un peu de l'ordre de la caricature et qui souvent contient beaucoup de critiques du pouvoir et de critiques politiques en germe. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'une simple image qui se partage peut détenir un message politique carrément. Mais du coup, question bête que j'avais, je pense notamment aux présentateurs, enseignants, influenceurs ou streamers, ou même carrément nous sur le podcast. Est-ce que ce serait pas naïf de se dire qu'on ne fait pas de politique du coup, alors qu'on partage tout un tas de choses, des images et tout un discours ? Bah, on fait forcément de... Alors, dans la conception élargie du politique, on fait forcément du politique à partir du moment où on s'exprime sur des sujets qu'on a choisis, qu'on est dans une organisation. Enfin, voilà. À partir du moment où il y a des structures et où on crée collectivement, il y a du politique. Mais donc, du coup, après, personnellement, j'ai l'impression que c'est beaucoup utilisé comme un slogan, le fait de dire « tout est politique ». Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé comme un slogan et c'est très peu compris, en fait, à quel point tout est politique et qu'est-ce que ça implique. Et voilà. Et donc, du coup, dans l'ordre, les structures des rapports de pouvoir, ça, c'est finalement des choses qui sont très peu analysées. Mais l'idée de dire tout est politique, c'est que c'est des choses qui sont de l'ordre du divertissement. Par exemple, si on prend le dessin animé a quand même été créé par des gens qui l'ont écrit, mais il n'y a pas juste leur intention à eux. Il y a aussi ce qu'a demandé la chaîne de télévision sur laquelle ça va être publié. Il y a les conditions de production, le temps dans lequel ils ont dû le faire, avec quels moyens, etc. Du coup, c'est des choses qu'on doit avoir en tête, quoi, quand on étudie un sujet. Donc, du coup, le fait de dire tout est politique, c'est qu'on n'a pas juste le produit fini. Il y a tout plein de conditions qui font que derrière, c'est produit de telle ou telle manière et que ça a tel ou tel enjeu et ça véhicule telle ou telle représentation. Pour revenir à tes petits documentaires, j'ai lu aussi qu'il y en avait un deuxième en cours. C'est toujours d'actualité ou pas du tout? Oui, je suis encore... Alors, le problème, en fait, c'est que je me lance sur des sujets que je connais pas. Là, par exemple, le dernier sujet sur lequel je me suis lancée, c'est la télé-réalité. Ouais. Les conditions de production de la télé-réalité en France. Donc, du coup, beaucoup de sciences politiques parce qu'il y a aussi beaucoup de pouvoir, etc. là-dedans aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et sur les rapports, l'organisation au travail, etc. Donc, j'essaie vraiment de montrer les gens qui font de la télé-réalité comme des travailleurs et travailleuses, en fait, et d'essayer de voir le quotidien au travail. Quand on produit la télé-réalité aujourd'hui, qui s'insère, c'est un programme parmi tant d'autres dans les émissions qu'on voit à la télé, mais c'est quand même un programme particulier qui a une histoire particulière. Donc du coup, j'ai passé énormément de temps à défricher tout ça, le côté historique qui va pas forcément me servir, mais que moi, enfin pas en tout cas dans l'épisode qui n'apparaîtra pas tel quel, mais dont j'avais besoin de l'avoir en tête. Pour les bases, oui. Ouais, voilà, j'avais besoin moi de l'avoir en tête pour poser le contexte en tout cas, et donc du coup, ne pas dire n'importe quoi aussi. Et du coup, ça me prend énormément de temps parce que en termes de rigueur de travail, je vous avoue que je mets un peu la pression en mode c'est un mini mémoire quoi. Dans ma tête, c'est vraiment un mini mémoire. En fait, t'es chercheuse, t'es encore chercheuse en fait tout le temps. Bah dans ma tête un peu ouais, je suis chercheuse sur internet quoi. Voilà, c'est mais en tout cas, c'est comme ça que je le conçois et du coup bah pareil en fait, là c'était le Covid. Donc du coup, j'avais comme idée de montrer aux gens ce que c'était que l'observation participante et de faire un épisode là-dessus, je n'ai pas pu parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, la télé-réalité, ce que ça m'a permis, c'est de faire des entretiens, donc du coup, par Skype, téléphone, etc., avec les gens, de discuter avec eux de leurs conditions de travail. C'est pas optimal parce qu'ils étaient pas en face de moi et que j'ai pas accès à des données parfaites, mais en tout cas, ça permet quand même de construire quelque chose à partir des entretiens que j'ai eus avec des gens qui sont, en termes de profil, j'ai des gens, ça fait 20 ans qu'ils bossent dans la télé-réalité et d'autres qui ont fait, en tant que candidat ou candidate, une émission et voilà, qui l'ont bien vécu ou pas d'ailleurs. Enfin, j'ai plein de profils différents. Mais du coup, le truc, c'est que ça prend énormément de temps de traiter ces données parce que j'ai fait des entretiens avec beaucoup de gens de plein de positions différentes, de la boîte de prod au monteur, monteuse, caméra woman, candidat, t'as fait candidate. Plein de métiers, ouais. Voilà. Et donc, du coup, forcément, ça prend du temps de faire ça, beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Eh bien, merci, Moody. Pour moi, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais parler. Donc, en tout cas, merci d'avoir parlé un peu de sciences sociales, un peu pour introduire aussi la science politique qu'on n'avait pas encore parlé sur Podcast Science. Et sur le podcast science aussi, on a pris l'habitude de clore les interviews par deux petites habituelles questions. D'abord, est-ce qu'il y a une question qu'on te pose tout le temps et dont tu es fatigué de lire ou d'entendre, par exemple sur ton stream sur les sciences sociales? Je pense que c'est la question de... Non mais là, est-ce que t'es objective? Sans que ça me fume. Genre, par exemple, quand on parle de... Souvent, je parle des violences faites aux femmes et on me dit « Mais non, mais tu peux pas être objective, tu es une femme. » Oui, oui, oui. Ah oui, carrément. Yes. Non, mais il y a forcément un biais, forcément. Mais truc, c'est que c'est pris en compte, on a des méthodes, et ça fait partie aussi de la construction des données, de savoir qu'on est concerné, etc. Mais du coup, c'est usant au quotidien, parce que ça viendrait comme invalidé. Du coup, il y aurait qu'un regard extérieur de quelqu'un qui ne connaît pas, qui serait objectif. Sauf qu'on n'est pas des êtres extérieurs à tout, enfin, on est forcément situé socialement dans un certain milieu, et donc on n'est jamais extérieur et jamais 100% objectif ou neutre, ça n'existe pas. Je pense que c'est encore plus dangereux de penser qu'on est neutre et objectif, en l'occurrence, plutôt que d'assumer le fait que on a des biais en fonction de notre position sociale et de les analyser. Et inversement, est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais, mais que tu aimerais qu'on te pose le plus souvent? Honnêtement, je ne sais pas. Là, ça, je ne sais pas. Ok. On t'a aussi demandé d'apporter une citation. Ouais, ouais, ouais. ouais, j'en ai une qui est en lien avec, du coup, plus mon parcours en philosophie politique et à la base, mais qui est en lien avec les sciences sociales. Donc, c'est une citation de Jean-Jacques Rousseau dans Le Contrat social en 1762. Il dit « Le peuple pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant les élections des membres du Parlement. Sitôt ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. » C'était une période de ma vie où j'étais assez méprisante par rapport au vote des gens, et je pensais que c'était des blaireaux, quoi, et qu'ils avaient rien compris. Et en fait, ce que j'aime bien avec ces citations, c'est qu'elles expliquent quand même le rapport à la démocratie représentative. Donc, on élit des représentants. Donc, du coup, notre seul pouvoir, c'est le moment où on met le bulletin dans l'urne. Après, on n'a plus grand-chose dans les mains. C'est pour ça qu'il y a des manifestations, des pétitions, du lobbyisme aussi. Hein. C'est des formes de pouvoir pour essayer de modeler ce qui se passe avec le gouvernement. Et du coup, j'aimais bien cette citation-là parce qu'elle est à la fois en lien avec mon parcours en philosophie politique et comment je me sentais au début, et en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui en sociologie électorale, ou en tout cas, quand on essaye de voir les électeurs, pourquoi est-ce qu'ils votent, comment est-ce qu'ils votent. Et en fait, on se rend compte que c'est pas, les gens ne sont pas cons et ce ne sont pas des moutons. Non, il y a des conditions au vote. Et donc voilà, ça, je trouve ça assez intéressant de voir l'évolution de mon parcours. Ok. On passe au quiz. Donc, Joanne, ouais, je te laisse faire le quiz. Alors, le quiz, d'habitude, c'est toujours Eléa, mais Eléa est absente aujourd'hui pour une fois. Et du coup, c'est un quiz spécial, Eléa. C'est les plantes brûlent au soleil si on les arrose en journée. Un faux ou un tox ? Réponse le 17 février 2021, comme d'habitude. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages audio, écrivez-nous sur nos pages Twitter et Facebook. Et vous embêtez pas trop avec les références scientifiques, on fera le travail nous-mêmes. Réponse le 17 février pour la réponse au quiz. Donc il est maintenant temps de clore cette émission. Encore merci, Moody. J'espère que vous avez pu apprécier cet aperçu de la diversité des sciences sociales, de sa démarche aussi, et puis apprendre que voilà, la politique, c'est pas que des partis politiques et des idéologies, c'est aussi toute une science que Moody tente de rendre accessible à tous et pour tous. Un peu comme nous sur Podcast Science, sur tout un tas de sujets scientifiques, pas politiques. Mais c'est un peu notre politique. Que servir la science soit votre joie.